Chapitre 5. Angoulafre aux dents de cuivre, préfet de Jérusalem. Pendant que je flânais avec vous sur le Blocksberg, mes enfants, Charlemagne, suivi de son brillant cortège, parcourait l'arène en faisant caracoler son cheval. Il allait gagner la loge royale lorsque des clameurs s'élevèrent dans la foule. Tous les yeux se tournèrent du côté de la porte du midi, d'où venait une musique bizarre accompagnée de cris. Charlemagne s'arrêta et envoya demander qui se permettait de troubler ainsi la fête. Un écuyer partit au galop et revint bientôt lui dire « Sire, des mécréants d'Espagne viennent offrir le combat à vos pairs et barons au nom du roi Marsille, qui tient sa cour à Saragosse. Leur aspect est effroyable, ils arrivent en cortège, précédés d'une musique vraiment digne de païens, et demandent à paraître devant vous. Qu'ils entrent, dit Charlemagne en faisant signe de la main au héros qui gardait la porte. Voilà pour vous une heureuse aventure, ajouta-t-il en se tournant vers ses barons. Vous allez pouvoir vous faire un peu la main sur ces chiens d'Espagne, en attendant que nous allions leur rendre visite jusque dans Saragosse, voire jusqu'à Grenade. Nous leur ferons tâter du baptême pour la gloire de Dieu et leur salut. Ont-ils donc perdu toute vergogne qu'ils osent regarder des chrétiens en face ? Dit Miton de Rennes. La terre n'a cependant pas encore eu le temps de boire tout le sang répandu aux plaines de Poitiers. Ils y vont sans doute faire pèlerinage, dit Turpin, et prier pour leur père, si tant est que ces mécréants en aient et ne sortent pas grands et vêtus des gueules de l'enfer. Comment rougirait-il ? Dit Aude, en montrant les premiers sarrasins qui passaient la barrière. Ils ont le visage de la couleur des harnais de nos chevaux. Oh, les vilains animaux ! Dit Emiltrude, en fermant les yeux. Il est impossible que ce soit là des hommes. Que personne n'oublie que ce sont nos hôtes, dit Charlemagne. Soyons courtois, même avec des païens. La curiosité est à son comble. Tout le monde s'est levé à l'aspect des premiers envoyés de Marsille. Les chevaliers de la suite du roi se dressent sur leurs étriers pour mieux voir les nouveaux venus. D'abord, entre 60 cavaliers éthiopiens, plus noirs que le diable, leurs nez écrasés, leurs larges oreilles ornées d'anneaux pesants, leurs lèvres épaisses sont pour les spectateurs autant de sujets de risée. Leurs bras nus sont chargés de bracelets aux poignets et près des épaules. Ils ont la tête couverte d'un casque léger autour duquel s'enroule un turban de soie blanche. Tous sont vêtus de riches étoffes et s'escriment à qui mieux, les uns en frappant à tour de bras sur leurs timbales, d'autres en soufflant à plein poumon dans des trompettes de formes bizarres. Ceux-ci agitent des clochettes, ceux-là frappent leurs triangles d'acier, et de temps en temps retentit le bruit lugubre de 10 gongs de bronze dont les vibrations font trembler la poitrine au point de donner envie de tousser. Viennent ensuite 100 cavaliers de bonne mine, couverts de haubères à triple maille, si souples et si légers que des filles de 15 ans les eussent portés avec aisance, et malgré cela, à l'épreuve d'une lance sarrasine. D'une lance française, nous verrons bientôt. Leur front est protégé par de bons haumes de Saragosse. Ils sont armés de lourds épieux de Valence, et leurs épées, quoique légères, entaillent l'acier ou l'enlèvent par copeaux, tant ils sont habiles à s'en servir. Derrière eux marchent 12 porteurs de gonfanons. Là, le croissant et la queue de cheval des barbarins a remplacé la croix et les banderoles qui guident les fidèles au combat. Enfin, à 10 longueurs de cheval de cette avant-garde, paraissent les envoyés de Marsille, roi de Portugal, de Castille, d'Aragon, de Léon et de Valence. Tous, en les voyant, ont frémi. la raillerie a fait place à la stupeur. Le premier est Angoulafre aux dents de cuivre. Sa hauteur est de 12 coudées, sa face large de 3 pieds, son nez long de 9 pouces, ses bras et ses cuisses sont d'une toise, les doigts de sa main de 10 pouces 10 lignes. Sa bouche, d'une grandeur démesurée, est armée de dents jaunes, aiguës et tranchantes. On dirait plutôt une herse puissante, destinée à défendre l'entrée d'un repère, qu'une mâchoire humaine. Il descend de Goliath et prend le titre de préfet de Jérusalem. Il a la force de 30 hommes et sa masse d'armes est faite d'un chêne de 200 ans. Plusieurs savants ont prétendu qu'Angoulafre fit un voyage en Italie, qu'il passa par Pise et qu'un soir, étant ivre, il se laissa choir sur la fameuse tour qui ne put supporter cette secousse et perdit, depuis ce moment, son centre de gravité. C'est une erreur que je me plais à rectifier. La tour penchée, commencée en 1174 seulement, n'a été achevée que vers le milieu du XIVe siècle. Le colosse est vêtu de peaux de bêtes inconnues, tuées par lui sur les cimes de l'Atlas, là où nul autre mortel n'a pu atteindre. Son cheval n'a pas son pareil, puisqu'il est de taille à le porter. Le hennissement qu'il pousse en entrant dans l'arène donne peur aux autres chevaux qui se cabrent et désarçonnent quelques chevaliers. La gente sarrasine rit aux éclats. Himiltrude, effrayée, essaye un signe de croix, convaincue que les nouveaux venus vont s'en aller en fumée avant qu'elle n'ait dit ainsi soit-il. Mais les païens avancent en bon ordre. « Il faut que l'enfer ait ouvert ses portes, » dit Mita. « Je ne sais si les mécréants en sont sortis ce matin, » dit Olivier, « mais à coup sûr, ils y coucheront ce soir. » Charlemagne fronce le sourcil. Aude tremble pour Roland, dont elle devine les pensées. Près d'Angoulafre aux dents de cuivre, chevauche Mourad Henakieh Meimoumovassi. Fils de Marsille, on l'appelle le seigneur au lion. Voici pourquoi.